Vous écoutez Futur Simple et vous êtes bien sûr à l'écoute de CKRL au 89.1. Et tout en écoutant Futur Simple, que diriez-vous d'une croisière, puisque c'est le temps des croisières automnales et que, bah, ma foi, la météo s'y prête plutôt bien aujourd'hui. Sauf que la croisière que nous vous proposons va nous emmener bien au-delà des rives du Saint-Laurent. Elle va nous emmener sur les côtes du Groenland. Et notre guide pour cette croisière s'appelle Valentine Ribadeau-Dumas. Bonjour Valentine. Bonjour. Alors Valentine, tu exerces un métier assez hors du commun. Celui d'assurer la logistique de projets scientifiques dans le Grand Nord. Ça consiste en quoi, ça? Alors effectivement, c'est pas dans tous les guides des métiers. Non. Ça consiste à organiser le travail de terrain pour des scientifiques. Ça peut être des missions scientifiques, ça peut être des missions sportives, ça peut être des missions découvertes. Globalement, on fait un plan d'expédition. Il y a des expéditions qui me contactent et qui ont besoin d'une logisticienne, donc de coordination sur le terrain. Ça peut être en amont du projet un petit peu aussi, mais souvent sur le terrain lui-même. Donc ensuite, je pars sur place et là, j'organise la mission sur place. Donc si c'est une mission scientifique, s'assurer que les équipements arrivent au bon endroit au bon moment, ce qui est jamais le cas. ensuite, s'assurer que les scientifiques arrivent, sont bien arrivés. Le ravitaillement, voilà, parce qu'ils mangent ces gens-là, j'imagine. Tout à fait, l'hébergement aussi. L'hébergement, alors les missions sont très variées, c'est pas toujours facile de donner une définition parce que ça peut être je suis également marin, donc je travaille aussi à bord de bateaux. Parfois c'est des scientifiques qu'on accueille sur des bateaux, donc là c'est une autre la logistique devient autre une autre mission. Et parfois c'est basé dans des villages dans le Grand Nord. Donc moi j'assure la logistique d'expéditions qui sont sur la banquise ou de projets divers comme ça. Et alors, comment on en arrive là? Parce que j'imagine que il n'y a pas une formation à l'université bac en logisticienne dans le Grand Nord. Non. Donc, comment t'en es arrivé là? Ça n'existe pas. Moi, j'ai une maîtrise en administration. Ouais. Et ensuite, j'ai travaillé 2 ans dans la finance. Et puis là, j'ai eu envie, au bout de 2 ans, d'appliquer ce que je connaissais, d'appliquer mes compétences dans un domaine qui, pour moi, avait plus de sens, qui me faisait vibrer un peu à l'intérieur. Donc, j'ai commencé à travailler pour une station de recherche sur les baleines. D'ailleurs, à cette occasion, tu étais venue ici même parler des baleines. Exactement, aux îles Mingan, la station de recherche des îles Mingan. Et là, je me suis occupée tout le côté commercial. C'est une station qui vit d'écotourisme aussi. Et j'ai fait l'administration. Et puis, au fur et à mesure, j'allais également en mer. Puis, on est une petite équipe. Donc, on est amené à faire tous les métiers qui existent sur place. Et j'ai commencé à faire la logistique des expéditions. J'organisais beaucoup d'expéditions itinérantes pour qu'on aille en Gaspésie, à Forestville, étudier les baleines. Et au fur et à mesure, j'ai appris la logistique d'expéditions scientifiques. J'ai eu envie ensuite, j'ai eu un espèce d'appel du Grand Nord. J'ai eu envie d'aller voir un peu plus au nord ce qui s'y passait. Et j'ai eu l'occasion de participer à une expédition en tant que logisticienne. J'étais basée dans un petit village de Résolute. Et l'expédition, il partait sur la banquise pour plonger sous la banquise, voir... rapporter des images, rapporter des documentaires. Et donc, j'en ai fait une. Et comme souvent, j'ai attrapé le virus. On m'avait prévenu. Si tu vas une fois, tu as juste envie d'y retourner. Et de là, j'ai commencé à faire plusieurs expéditions comme ça. Et donc, depuis, tu enchaînes les expéditions. Donc, par exemple, parce que bon, il me semble que tu es aussi passé à bord du Vagabond, d'un voilier polaire qui a hiverné, que tu as hiverné aussi. Bon, oui. Ça, c'est un exemple, mais il y en a peut-être d'autres. Oui, ça, c'était la dernière. Comme exemple, il y a par exemple l'expédition dont je vous parlais, où l'équipe est allée sur la banquise. On a déposé une équipe au pôle Nord et ils ont cheminé un peu sur la banquise au printemps, avant qu'elle fonde, évidemment, pour plonger sous la banquise, pour aller rapporter un documentaire qui s'appelle « On a marché sous le pôle », par exemple, qui prenait aussi des données scientifiques. Une autre expédition avec des chercheurs aussi a consisté à créer une base de recherche sur la banquise, un village entier. Ah oui. Entre la sortie de la nuit polaire et la fonte des glaces, évidemment, de tout créer, d'amener des chercheurs là pendant 2 mois et puis de rapatrier tout le matériel ensuite. Là, moi, j'étais aussi basée dans un village inuit. Et 2 années de suite, j'ai fait une autre expédition qui est en bateau. Dont mon projet d'aujourd'hui s'inspire. On est parti du Québec, on est allé jusqu'au Groenland en bateau. On a remonté toute la côte ouest du Groenland, traversé jusqu'en Arctique canadien et redescendu ici, qui est une boucle finalement. Et chaque, on l'a fait 2 années de suite, en 2012, en 2013. Ça a pris 5 mois à chaque fois. Mm-hmm. Donc, c'est 5 fois en mer à caboter, finalement, le long des côtes du Groenland. Oui, exactement. Exactement. Ouais, et on accueillait à bord des scientifiques, on a accueilli des équipes de tournage, on a accueilli mm-hmm. des projets également qui allaient sensibiliser dans les villages inuits. Mm-hmm. Donc, on était une base logistique, finalement. Mm-hmm. Ça, c'était pour un organisme qui s'appelle Students on Ice, qui fait des missions éducatives dans ces régions-là. Mm-hmm. Donc, c'est très variable. Ensuite, j'ai été à bord du Vagabond, mm-hmm. Hiverné, laisser le bateau se prendre dans les glaces plutôt que de les repousser pour une fois. Oui, c'est ça. C'est un peu curieux quand même. Ça doit faire une drôle de sensation d'arriver puis de dire, les glaces vont me prendre et je vais laisser faire. C'est ça. Et surtout, il faut laisser faire. Ouais. Mais c'est surtout une sensation d'arriver sur un bateau, d'être dans une petite annexe autour, comme d'habitude, autour d'un bateau. Ouais. Et puis le lendemain, on marche à côté du bateau, on descend à pied et on marche dessus. C'est plus facile pour aller au village? C'est plus facile, mais on est plus sujet à croiser des ours, par contre. Ah, ok. Donc ça, expériences. C'est différent. Donc de tout ça, t'en sors probablement des expériences assez riches, parce que tu côtoies des chercheurs de différents. C'est des mm-hmm. chercheurs, des fois, ils sont d'où des chercheurs canadiens, des chercheurs d'ailleurs. Il y a tout. C'est très variable. Moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup dans mon métier et que j'aime partager aussi. C'est que c'est très polyvalent. Il n'y a pas vraiment de routine, c'est pas 9h-17h. Ouais. On dépend des imprévus, on dépend des gens avec qui on travaille, on dépend de beaucoup de choses, de la météo par exemple, particulièrement sur les bateaux. Et les chercheurs peuvent venir d'Angleterre, ils sont venus du Canada, ils sont venus des États-Unis, mm-hmm. de France aussi. Mm-hmm. Ça dépend des laboratoires et de leur intérêt pour le Nord ou de leur mission de l'année mm-hmm. sur place. Mm-hmm. Mais comment que ça se passe? C'est eux qui te contactent, ils disent on a besoin d'une logisticienne, c'est eux qui te contactent? Ça dépend. Sur la mission par exemple sur la banquise au pôle Nord où ils allaient voir ils allaient plonger sous la banquise pour ramener des images. Là c'est l'équipe qui m'a contacté en disant on cherche une logisticienne mm-hmm. pour compléter l'équipe. Mm-hmm. Sur Students on Ice, par exemple, l'expédition en bateau, c'est cet organisme qui a un bateau, qui a recruté mm-hmm. un équipage. Mm-hmm. Donc moi, j'étais dans l'équipage aussi du bateau et chacun dans l'équipage mm-hmm. avait, disons, 2 ou 3 casquettes. Mm-hmm. Et ma deuxième casquette, c'était la logistique. Mm-hmm. Là, c'est cet organisme qui avait un bateau, avait été en contact avec des laboratoires, avait besoin d'un équipage. Mm-hmm. C'est très variable d'un contrat à l'autre. Il n'y a pas vraiment de mission type. Donc, il faut vraiment savoir s'adapter à toutes ces configurations et tous ces besoins aussi que requièrent ces différentes équipes. Oui, c'est très, faut être flexible, faut s'adapter et en même temps, c'est la richesse de ce métier-là. C'est qu'on rencontre toutes sortes de gens, toutes sortes de corps de métier aussi. Donc, c'est très riche. Et à bord du Vagabond, je parle un peu du Vagabond parce qu'on va en reparler un peu plus tard avec notre invité après. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec toi à bord du Vagabond? Pourquoi tu étais à bord du Vagabond? C'est quoi d'abord le Vagabond? Oui, c'est ça. Le Vagabond, c'est un voilier polaire qui appartient à Éric Brossier et France Pinson du Sel. Il y a un documentaire qui est passé mm-hmm. à un moment que beaucoup de gens ont vu. Ce sont des gens, c'est une famille maintenant. Au début, c'était un couple et puis depuis, ils ont 2 enfants. Ils ont continué ce même mode de vie, qui vivent à bord de leur bateau et qui se laissent, qui en ont fait une base polaire. C'est-à-dire que tous les hivers, ils se laissent prendre dans les glaces et ils prennent des données pour des laboratoires en mm-hmm. étant sur place, finalement. Mm-hmm. Et l'été, ils vont naviguer souvent autour du Groenland ou dans ces régions-là. Et ils accueillent là à bord des scientifiques. Donc, eux ont des contrats avec des laboratoires et les laboratoires leur demandent de prendre telle et telle donnée, envoie tel et tel équipement, etc. Mais ça, l'invité d'après en parlera sûrement plus précisément que moi. Et ces gens-là, miraculeusement, l'année dernière, ont eu besoin de prendre des vacances de leur voilier et m'ont demandé à mon conjoint, à moi-même, d'aller garder leur bateau pendant 4 mois. Mm-hmm. Donc, on est allé au mois d'octobre, tout près de la communauté de Kekertarjouak, mm-hmm. qui est au sud de l'île de Baffin, mm-hmm. au niveau du cercle polaire. Et on s'est occupé du Vagabond. On a pris mm-hmm. quelques données scientifiques et surtout on a entretenu le bateau pendant leur absence. Mm-hmm. Donc c'était probablement une expérience assez vibrante de passer finalement la nuit polaire sur le bateau. Exactement. Oui, vibrante c'est le bon mot et on était à 3 km d'une communauté inuite. Ouais. Moi c'était vraiment un des intérêts de l'expérience, c'était d'aller à la rencontre de cette communauté inuite et de vivre au quotidien avec eux. Ouais, certainement des rencontres enrichissantes. Puis à travers toutes ces expéditions, ben tu vis toutes sortes d'expériences, donc avec les scientifiques, avec les Inuits, tu en sors riche là de contacts avec les Inuits, et c'est ce que tu partages maintenant à travers une conférence. Embarqué pour le Grand Nord, c'est bien ça? Embarqué oui. Pour le Grand Nord. Et puis que tu présentes en fait comme une croisière avec des différentes escales. Oui, alors c'est pas une croisière, c'est une expédition. Une expédition, d'accord, oui, oui, t'as raison. Mais c'est ça. C'est pas tout à fait la même chose. Non, non. Mais en fait, j'ai créé un projet qui s'appelle Lumière du Grand Nord. Ouais. Et dans ce projet, un des aspects de mon projet, c'est de partager ces expériences. Et je partage en faisant des conférences. Et la conférence que je propose s'appelle Embarquer pour le Grand Nord. En fait, l'idée, c'est que je me suis inspirée d'une des expéditions que j'ai faites, dont je vous parlais, en 2012-2013. C'est-à-dire en partant d'ici, en remontant la côte ouest du Groenland, passant en Arctique canadien et redescendant. Et j'embarque les gens dans cette expédition. Donc, on quitte les ports qu'on connaît, Montréal, Québec, etc. On découvre un peu la navigation, disons, hauturière. Enfin, on descend tout le Saint-Laurent, on traverse vers le Groenland et je les embarque dans l'expédition. Vraiment, on partage ça. Alors, peut-être que là, on a envie de savoir de quoi ça consiste, mais il faut malheureusement qu'on fasse une petite interruption. Okay, mais on te garde avec nous parce qu'on veut savoir ce qui se passe dans ton périple autour du Groenland et ce que tu fais vivre finalement à ceux qui vont écouter ta conférence. Donc on part en petite pause publicitaire, mais reste avec nous pour connaître ce périple autour du Groenland. Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL au 89.1 et nous poursuivons Futur Simple. Et nous poursuivons Futur Simple toujours en compagnie de Valentine Ribadeau-Dumas qui nous raconte ses expéditions dans le Grand Nord. Et en particulier, nous en étions à raconter, un petit peu à présenter la conférence que tu proposes, donc Embarquer pour le Grand Nord, et dans laquelle finalement tu fais un résumé ou c'est une façon de retracer ce que tu ressens quand tu part en expédition. Donc on part, on est en bateau, on part à Québec ou de Montréal, et on part vers le Groenland. Exactement. C'est ça. En fait, on fait des escales. Le fil directeur, c'est une des expéditions que j'ai fait. Ouais. Et puis donc on part en bateau, on descend le Saint-Laurent, on part vers le Groenland. Et à partir de là, on fait ce qu'on a fait nous-mêmes avec le bateau, c'est-à-dire qu'on fait des escales, comme beaucoup de bateaux. Et à chaque escale, je développe un thème qui est lié au Grand Nord. Donc là, c'est un condensé à chaque fois de toutes les expériences que j'ai pu avoir dans le Grand Nord. Donc, ça va être à la fois la navigation dans les eaux arctiques, forcément. D'accord, parce qu'il faut faire attention aux glaces, il faut faire attention Les outils qu'on utilise, les cartes des glaces, faire attention aux glaces, il y a des icebergs. Est-ce que les cartes sont assez précises, d'ailleurs Oui, quand même. Aujourd'hui, c'est quand même bien fait. Après, on est toujours... On est toujours dans l'imprévu, hein, dans le Grand Nord. Il faut savoir, les choses ne se passeront... Enfin, moi, c'est la morale de mon métier, c'est que les choses ne se passeront pas comme prévu. Il faut juste apprendre à gérer l'imprévu et à coordonner derrière une météo qui n'est pas comme on aimerait qu'elle soit ou comme le planning avait prévu qu'elle soit. Donc, c'est un peu ça. Donc, la navigation dans les eaux arctiques, les bandes brumes aussi, probablement. Oui, c'est ça. Après, dans la conférence, on prend différents cas où je raconte beaucoup d'anecdotes qui nous sont arrivées, qui sont toujours très drôles après coup. Et puis ensuite, les thèmes que je développe sont beaucoup plus tournés vers les hommes qui habitent là-bas, c'est-à-dire les Inuits. Oui. Moi, je suis vraiment passionnée par cette culture-là. Et sur place, donc, on va à la rencontre de certains Inuits. On décrit un petit peu leur mode de vie. Je partage leur mode de vie, leur organisation aussi dans les communautés. On parle aussi de l'histoire, la géographie de ces régions-là. Le Groenland ou l'Arctique canadien, d'ailleurs, ne sont pas forcément des régions que tout le monde connaît. Donc, il y a certains villages qui ont des histoires bien particulières. Est-ce que les Inuits du Groenland et les Inuits du Nunavut ou du Nunavik, est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils se rencontrent parfois? Alors, ils se rencontrent parfois. Est-ce qu'ils parlent le même langage? Ils parlent l'Inuktitut, qui est la langue inuite, mais par contre, il y a des dialectes dans chaque... par exemple, il y a l'Inuktitut de l'ouest du Groenland. Donc, c'est sûr que déjà, c'est pas le même que l'est du Groenland ou que ceux du Nunavut. D'après deux Inuits que j'ai rencontrés, l'un était du Groenland et l'autre était du Nunavut, ils pourraient arriver à se comprendre, mais c'est pas très simple quand même. C'est pas si facile que ça. Non. Après, moi, ce serait eux en parleraient beaucoup mieux que moi. C'est pas... Mais voilà, c'est un peu, on va à la rencontre de ces habitants-là en arrivant en bateau. On regarde l'histoire, la géographie, on regarde un petit peu, un résumé, ce que peut être la vie d'un village là-haut par 80 mm-hmm. degrés nord. Est-ce que tu parles par exemple aussi de l'arrivée des Européens au Groenland, des Vikings au Groenland aussi, oui. ou des tentatives en tout cas. Oui, c'est ça. Après, c'est discutable tout ça, ouais. mais quand on arrive, nous, quand le bateau arrive au Groenland, dans la conférence, il y a une présentation du Groenland, c'est sûr, avec ouais. Ce que c'est que ce pays, pourquoi on est arrivé là, voilà, il est pas exemple. Si vert que ça. Non, ça c'est sûr. Ils nous ont bien nus là-dessus. Ouais. Mais donc voilà, et ça présente vraiment aussi la vie quotidienne d'une ouais. telle expédition, parce que les bateaux dont on parle sont des petits voiliers. En tout cas, pour moi c'est grand, mais pour beaucoup de gens c'est pas grand. C'est 47 pieds. Donc c'est vraiment des bateaux qui sont qu'on peut voir dans les marinas quelque part. C'est des bateaux adaptés aux expéditions, mais on part pas sur des gros gros brise-glace. Donc ça change un peu la donne et le regard qu'on peut avoir sur ces régions là quand on y est ainsi. Et finalement on finit notre tour notre expédition finalement dans la communauté de Kékertarjouak, où là moi j'y ai passé 4-5 mois sur place à vivre vraiment le quotidien avec ces Inuits là. C'est-à-dire que tu t'es mêlé à eux pour aller pour aller à l'école, pour manger avec eux, Pour vivre le quotidien, ouais, c'est-à-dire qu'on était sur le vagabond, mais on c'est comme si on avait une maison dans le village, pratiquement. C'était juste une drôle de maison prise dans les glaces. On a beaucoup passé de temps avec les élèves de l'école. On a été bénévole dans toutes sortes de missions dans la communauté. Ouais. Moi, je suis partie chasser avec eux. Ouais. Vraiment, ça a été. On a fait partie de cette communauté pendant plusieurs mois et on avait la volonté d'eux. On y allait entre autres pour ça. Donc, je partage aussi ces quotidiens, ce quotidien-là, avec tout ce qu'on a pu en apprendre, autant de sagesse que de difficultés. Il y a beaucoup d'enseignements quand même. C'est une grosse population, là. J'arrive pas à dire le nom de la population. À Kékertarjouak, ils sont 520. 520. Ouais. D'accord. Ouais. Puis c'est beaucoup de jeunes. On dit que qu'il y a une démographie qu'il y a beaucoup de jeunes dans ces populations-là. Est-ce que c'est ce que tu as constaté aussi? Oui, après, est-ce que je connais pas la moyenne d'âge du village, j'ai pas trouvé qu'on avait la sensation qu'il y en ait plus qu'ailleurs. D'accord. Mais faudrait regarder les graphiques, mais ça j'ai pas. Déjà, on a essayé de faire l'arbre généalogique du village, ce qui est pas toujours très facile. Mais voilà, donc finalement la conférence se termine là parce qu'on a fait un petit film aussi, on a réalisé un film avec les élèves du village. Qui se présentent, ils donnent leur nom, leur âge, ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils avaient envie de nous dire et ce qu'ils avaient envie de partager avec les gens du Sud, le Sud. Et donc cette conférence s'adresse aux écoles et aussi au grand public. C'est les deux, il y a une version pour le primaire, une version pour le secondaire, une version pour le cégep. Évidemment, on aborde des thèmes différents à chaque fois, mais globalement c'est la même structure. Et puis il y a une version grand public aussi, que je donne souvent et que je... Mais c'est quand donc la prochaine? Alors la prochaine pour le grand public, le 7 octobre à 19h. C'est organisé par un organisme qui s'appelle Les Petits Explorateurs, donc vous pouvez aller sur leur site internet, et c'est chez Mo Resto. Ah oui. Et je pense qu'ils font payer ça $20 parce que on va donner ça à un organisme de notre choix. Voilà, c'est la prochaine qui est grand public. Et sinon, s'il y a des écoles intéressées, moi j'en fais beaucoup dans les écoles. Ça s'adapte à toutes sortes de programmes et puis à des cours aussi particuliers. Vous pouvez aller sur le site internet du projet. Ça s'appelle Lumière du Grand Nord. Donc c'est www.lumiere@dugrandnord.com. Donc en tout cas, on peut au moins aller t'écouter le 7 octobre pour le grand public, peut-être qui nous écoute. Oui, tout à fait. Aller t'écouter le 7 octobre pour découvrir ce Groenland et les Inuits. Et aussi, faut préciser au fait que les Inuits aura l'occasion de nous en reparler plus profondément. On n'a pas beaucoup abordé là, mais on va avoir donc une chronique spéciale consacrée complètement aux Inuits. Tu vas revenir le 23 octobre prochain pour nous emmener à la rencontre des Inuits, de ton vécu avec les Inuits le 23 octobre. Exactement, avec grand plaisir. Et on va avoir hâte de découvrir avec toi les Inuits. Alors on va quand même faire une pause musicale sur CKRL, et au retour on va rentrer plus précisément dans le vif du sujet d'une expédition scientifique en Arctique. Alors merci beaucoup Valentine d'être venue nous voir, et merci, on te revoit le 23 octobre prochain. Donc je rappelle que Valentine est donc logisticienne d'expédition scientifique et sportive aussi, ou d'aventure en Arctique. Merci beaucoup.